إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم. Donc on continue aujourd'hui avec notre cours sur l'explication des trois fondements de l'islam, al-usul al-thalatha, avec, wa alaykum as-salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, avec l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 42. Et on est arrivé donc à l'explication des autres preuves qui sont mentionnées au sujet de l'obligation de la hijra dans l'islam. Et il dit, wa qawluhu ta'ala, le deuxième verset qu'il a mentionné comme preuve au sujet de la hijra, c'est le verset, wa qawluhu ta'ala, ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ô mon serviteur qui a cru, ma terre est vaste, alors n'adore que moi. Ça, c'est le verset 56 dans Surat Al-Ankabut. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne comme preuve également la parole ou bien l'explication de ce verset par l'imam Al-Baraoui. Il dit, « قال Al-Baraoui, رحمه الله, سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة ولم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. » Donc, c'est-à-dire que l'imam al-Baraoui, qui est un grand imam parmi les ulama, il a écrit un tafsir du Coran. Et dans son tafsir, il dit que la cause de la révélation de ce verset, c'est-à-dire le verset 56 dans Surat al-Ankabut, c'est parce qu'il y a des musulmans qui étaient à Mecca qui n'avaient pas fait la hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par le nom de la foi. Parce qu'il a dit, Ya ibadi alladhina amanu, ô mon serviteur qui a cru. C'est-à-dire qu'il les appelle en les appelant des croyants. Et il y a une preuve aussi qui est mentionnée dans Al-Usul al-Thalatha. Le Cheikh, je pense que c'est peut-être une erreur de la part de l'édition qui ont publié le charh de Cheikh Salih al-Fawzan de ce livre, parce que il y a une preuve de la sunna qui n'a pas été mentionnée dans le matin ici au-dessus de la page, mais c'est wa dalilu hijrati min as-sunna qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la tanqati'u al-hijra حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Donc cette preuve là elle est pas écrite dans le texte, je crois que ça a été, c'est un oubli, c'est ça. Donc juste après la parole de l'imam al-Baraoui, c'est la preuve de la sunna. Oui, parce que dans le charh, le cheikh il le mentionne, mais dans le matin en haut ils l'ont pas écrit, donc c'est la preuve que ça a été probablement c'est un oubli de leur part. Donc le cheikh, cheikh Al-Fawzan, il explique, je vous ai donné l'explication du hadith. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la hijra ne va pas cesser d'être obligatoire jusqu'à ce qu'il y ait la repentance. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait la possibilité de se repentir. Et la repentance ne va pas cesser jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Ok? Donc, tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest, il y aura toujours possibilité de se repentir. On avait même mentionné ce hadith-là la semaine passée. Donc, inshallah, on va lire maintenant le sharh. Le cheikh il dit, هذه الآية من سورة العنكبوت وفيها الأمر بالهجرة وأن أرض الله واسعة إذا كانت في بلد أو إذا كنت في بلد لا تتمكن من إظهار دينك لا تتمكن من إظهار دينك فيها فهناك أرض أو فهناك أرض الله واسعة انتقل منها لا تبقى في هذه البقعة السيئة بل أخرج منها إلى أرض الله الواسعة قد وسع الله الأرض سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit que si, comme on voit dans la sourate Al-Ankabut, si tu n'arrives pas à établir ta religion dans un endroit et que tu n'es pas capable d'exprimer ta religion et de montrer ouvertement ta religion, alors tu dois faire la hijra. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il nous ordonne de faire la hijra et il nous mentionne que la terre elle est vaste. Donc la terre elle est vaste. Si tu es dans un endroit et que tu es opprimé à cause de ta religion, qu'on ne te donne pas la possibilité d'adorer ton Créateur comme il faut, comme il se doit, hein, dans toute la liberté que tu dois le faire, et que tu ne peux pas montrer ouvertement ta religion parce que les gens vont mal te traiter ou bien vont te donner des problèmes à cause de ça, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la terre elle est vaste. Tu ne peux pas le faire à cet endroit-là, va ailleurs. Va ailleurs où tu vas pouvoir établir ta religion. Et donc, c'est en voulant dire, quitte cette terre là où tu es, où tu ne peux pas appliquer ta religion, où tu ne peux pas montrer ta religion, et va vers une autre terre, et quitte cette terre où les choses sont mauvaises, où les gens sont mauvais, où il y a du kufr, du shirk, des péchés, des bid'ah, des problèmes. Et va vers la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est vaste, hein, où tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec plus de facilité et plus de d'aisance, et que les croyants vont t'aider et vont te supporter dans ta foi. Donc, ça c'est l'explication du cheikh. Et souvent on voit, à notre époque, les gens ils utilisent ce verset parfois à l'envers. C'est Ardullahi wa asi'a, dans le sens en voulant dire, ils disent, on est venu dans les pays de Kufr, la terre d'Allah elle est vaste, en voulant dire, j'ai le droit de venir dans les pays de Kufr parce que c'est la terre d'Allah, hein? Et que la terre d'Allah elle est vaste. Certes, la terre d'Allah elle est vaste, mais il y a une différence entre la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est entre les mains des mu'minins et des ibadillah salihin, des adorateurs d'Allah qui sont pieux et qui craignent Allah, et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est entre les mains des kuffars et des mouchriquines, hein, et des gens qui font du shirk et du kufr et toutes sortes d'autres formes de transgressions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a légiféré d'être dans une de ces terres, et dans l'autre il nous a interdit. C'est ça la différence. Donc par exemple, regardez par exemple Mecca à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la hijra et même après la hijra, au début c'était une terre de kufr et de shirk, alors que c'est la meilleure terre au monde, c'est le meilleur pays du monde, la meilleure ville au monde, elle est bénie. Mais pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a quitté. Pourquoi il l'a quitté? Parce qu'à cette époque là c'était une terre de kufr et de shirk, et il est allé vers une autre terre qui est Al-Madina, hein? Donc si il a quitté la meilleure terre pour aller vers une autre, fi sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour établir sa religion, eh bien imaginez maintenant à notre époque de quitter une terre qui n'est même pas bénie ou qui n'est même pas une terre comparable à celle que, par exemple, celle de Mecca ou de Al-Madina, de la quitter pour aller, par exemple, vers un autre pays où il y a l'islam, où on peut appliquer la religion avec plus de facilité. Donc, il n'y a pas de comparaison, hein, entre les deux. Comme par exemple certaines personnes qui vont dire « Ouais, mais ici on peut prier, on peut jeûner, on peut faire ci, on peut faire ça. » Mais ça se limite, bien entendu, ça se limite pas juste à ça. D'établir et de montrer la religion, ça se limite pas seulement à ça. Il y a des ulama qui ont expliqué que le fait de montrer la religion, d'exprimer la religion, c'est quoi la règle à ce sujet-là? C'est de quoi on parle quand on parle de montrer la religion? Et ils ont dit que c'est le fait de pouvoir faire ouvertement la da'wah à l'islam et d'appeler et d'inviter les kuffars et les mushrikin à accepter la religion d'Allah, et qu'on peut dire ouvertement que les religions des kuffars sont des religions fausses, comme le christianisme, le judaïsme et les autres croyances comme le bouddhisme et les autres religions. On peut dire ça ouvertement, sans aucune crainte, que leurs religions sont des religions fausses et que l'islam c'est la religion de la vérité. Et on peut appeler ouvertement les gens à ça. Donc du moment qu'on a le droit de faire ça et qu'on est capable de faire ça, on a la permission de pouvoir rester dans cette terre-là pour pouvoir appeler à Allah et pour faire qu'est-ce qu'on a besoin de faire jusqu'à ce que, comme on a dit la semaine passée avec les conditions et tout. Toutefois, c'est recommandé de quitter. C'est recommandé de quitter pour aller dans un pays musulman pour la personne qui a la possibilité de pratiquer ouvertement sa religion. Tandis que si pour quelqu'un d'autre, parce que des fois c'est différent d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont faibles. Ils ont une personnalité faible. Ils sont pas capables d'affronter les gens. Ils sont pas capables, par exemple, de supporter la pression sociale du fait que ils sont faibles. Ils ont une personnalité faible. Donc, s'ils sont entourés de gens qui sont des kuffars ou des mushrikines ou des gens qui font des péchés, eh bien, ils vont facilement se laisser faire. Ils vont facilement abandonner des obligations. Ils vont facilement délaisser des choses de l'islam pour justement se faire accepter. Donc dans ce cas-là, ces gens-là, eux, ils n'ont pas le droit de rester. Mais si quelqu'un, par exemple, il a une personnalité forte et il a du ilm, il a de la science, il a une capacité de pratiquer sa religion, une crainte d'Allah, eh bien, cette personne-là, elle a plus de possibilités dans ce cas-là de faire la da'wah ou bien de faire du bien. Dans ce cas-là, cette personne-là, c'est pas le même verdict, ou le verdict n'est pas aussi strict par rapport à cette personne-là, c'est pas le même verdict que l'autre qu'on a mentionné en premier. Donc, ça peut être différent d'une personne à l'autre aussi. Mais, de toute façon, comme on l'a dit, la semaine passée, on a expliqué que pour une personne qui vient d'un pays musulman pour venir s'installer ici et de s'établir ici définitivement, pour dire « moi je veux vivre ici » et devenir un citoyen puis avoir la citoyenneté et tout ça, ça c'est pas permis pour le musulman. C'est pas permis pour le musulman. Et si la personne est ici par exemple et elle accepte les lois et elle croit que leurs lois, c'est permis de juger selon leurs lois et que c'est permis d'accepter leur système et leur croyance ou leur constitution, ça rentre même dans le kufr. Hein, que tu crois que ces lois-là sont meilleures que les lois d'Allah, ça c'est kufr. Que tu crois que leurs lois sont équivalentes aux lois d'Allah, ça c'est kufr. Akbar, ça fait sortir de l'islam. Si tu crois qu'elles sont meilleures que les lois d'Allah, tu sors de l'islam. Si tu crois qu'elles sont équivalentes aux lois d'Allah, tu sors de l'islam, t'as mécru. Si tu crois qu'elles sont pas meilleures et qu'elles sont pas équivalentes, mais que c'est permis de juger selon ces lois, ça, encore là, tu sors de l'islam complètement. Tu deviens kafir. Et ça, c'est selon le consensus de tous les savants de l'islam, dans tous les quatre madahib de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ils sont tous d'accord sur ces principes-là. Tandis que si quelqu'un, il est ici, il dit, non, ces lois-là, c'est des lois qui sont fausses. C'est-à-dire, les lois des kuffars, c'est des lois fausses. Et je les rejette. Je les renie, je ne crois pas en ces lois-là. Mais, disons, il se base sur ces lois-là pour juger parce qu'il n'a pas le choix, parce qu'il dit « je suis dans ce pays » et puis « je sais que c'est haram ». Dans ce cas-là, il n'est pas sorti de la religion. Sauf qu'il a commis un grand péché. et que son, il a commis un kufr qui est mineur, comme les ulama ils disent que c'est un kufr d'un kufr, d'accord. Donc ça c'est quand même un grand parmi les plus grands péchés, mais il a pas quitté l'islam à cause de ça, parce que il a reconnu que la loi d'Allah c'est la meilleure. Il sait que quand il se réfère à des lois faites par les êtres humains, qu'il a commis quelque chose d'un, qui est un péché et que c'est haram. Comme par exemple, si il va, par exemple, quelqu'un dans sa famille ici au Canada, il vit ici, puis il, quelqu'un meurt. Donc là, il doit séparer l'héritage. Et il dit, bon, moi je vais me référer à la loi canadienne pour l'héritage. Et il laisse de côté les règles du Coran et de la Sunna sur l'héritage. Eh bien, ça c'est contradiction avec l'islam. S'il a des problèmes dans n'importe quel autre domaine de la dunya et de la vie, et qu'au lieu de prendre la charia, le livre d'Allah, le Coran et la Sunna comme référence, il préfère prendre une autre loi que la loi d'Allah, alors là, encore une fois, il a commis un acte qui est en opposition et en contradiction avec l'islam. Donc, c'est très dangereux et c'est très grave. C'est pas juste le fait de dire je peux prier, je peux jeûner et vivre ici. Non, si tu as des problèmes avec la loi ou avec le système, ou bien même les questions de divorce, les questions de mariage, les questions de famille, tout ce qui a rapport avec la famille, tout ce qui a rapport avec l'héritage, tout ce qui a rapport avec même pour te faire enterrer, tout ça c'est géré par des lois qui sont en contradiction avec les règles de l'islam. Le commerce, tout est basé sur le riba, les intérêts, tout ça c'est contraire à l'islam. Toi tu vas, donc tu t'installes, tu vis dans un pays où les lois sont opposées à l'islam et tu penses que ça c'est correct. Si tu as des problèmes dans la société, par exemple, tu veux éduquer tes enfants selon les règles de l'islam, et tes enfants ici sont considérés comme à l'âge de 18 ans, tu ne peux plus leur dire quoi que ce soit. Tu ne peux plus les orienter. Tu es limité dans la façon dont tu peux les éduquer. Si tu ne veux pas envoyer tes enfants à l'école parce que tu sais qu'à l'école, on va leur enseigner des choses qui sont en opposition avec le Coran et la Sunna, des idées de kufr, des paroles de shirk, et des croyances et des pratiques et des fêtes chrétiennes ou juives ou autres, tu ne veux pas ça? Tu ne veux pas que tes enfants subissent ça? Eh bien, il y a beaucoup de complications pour toi par la suite à cause de ça. Tout ça pour dire que si quelqu'un pense qu'il va venir quitter un pays musulman, venir s'installer ici, puis qu'il va pas, il va pouvoir, disons, être un bon musulman et vivre sa religion facilement, il se trompe complètement. Et il est dans l'illusion. Et c'est le shaitan qui l'a trompé. Et il risque petit à petit de diminuer dans sa foi, et de perdre sa famille, de perdre ses enfants, et de faire que ses enfants perdent leur foi aussi. Parce que si tu regardes, par exemple, comme je disais la semaine dernière, maintenant les jeunes qui viennent des familles musulmanes, leurs parents n'ont pas éduqué leurs enfants selon la aqida de l'islam, le tawhid, ils ne le connaissent pas. Les questions qui ont rapport avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, les détails de ces questions-là, ils ne les ont pas étudiées. Le fiqh et les bases du fiqh de l'islam, ils ne les ont pas étudiés. Les principes de la morale islamique, ils ne les ont pas étudiés en général. Donc, où est-ce qu'ils vont prendre leur connaissance? Où est-ce qu'ils vont prendre leur guidance? Où est-ce qu'ils vont prendre leur orientation? Chez les koufars. Et donc, ils vont devenir comme des koufars. C'est pour ça que maintenant, tu vois beaucoup de jeunes qui sortent dans les écoles, dans les secondaires, dans les écoles primaires, secondaires, cégep, université, tu les vois, tu peux pas savoir si c'est des musulmans ou si ce sont des koufars. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir par leur comportement que ce sont des musulmans. Tu peux pas savoir par leur façon de vivre, leur façon de parler, que ce sont des musulmans ou des musulmanes. Peut-être par leur origine culturelle. Tu dis, bon, ils ressemblent à des gens qui viennent des pays, où sont des gens traditionnellement musulmans. Oui, peut-être culturellement. Mais sur le plan de la religion, et sur le plan des comportements et de la pratique, tu ne peux pas les voir. Parce qu'ils ne prient pas, ils ne pratiquent pas de façon claire leur religion. Tu voulais dire quelque chose à ce sujet-là? En tout cas, on a déjà entendu ces choses-là, déjà on en a parlé plusieurs fois, mais c'est juste pour rappeler encore parce que c'est des choses importantes. Et les ulama, ils nous conseillent tout le temps de retourner, ils disent toujours aux musulmans, retournez dans vos pays, retournez dans vos pays. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, à l'époque, il insistait beaucoup sur ça. Il disait toujours aux musulmans, quand des musulmans qui étaient en Europe, ou qui étaient aux États-Unis ou au Canada, appelaient Cheikh Al-Albani pour poser des questions, il leur demandait, vous êtes où? S'il disait on est en Europe, s'il disait on est au Canada, s'il disait on est aux États-Unis, il disait, allez dans les pays musulmans, allez, restez pas dans les pays des kuffars. Hein? Donc ça c'est très important. Et yani, faites la hijra. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et la même chose pour les autres ulama. Ils disaient quand il y a eu les problèmes en France, des choses comme ça, les gens ils appelaient par rapport au niqab, au hijab et tout. Ils disaient qu'est-ce qu'on fait, cheikh? Est-ce qu'on a le droit de rester? Les chouchs, ils disent non, vous devez faire la hijra, c'est devenu obligatoire pour vous. Vous devez faire la hijra maintenant. Hein? Donc, c'est ça. Mais comme je disais, il y a beaucoup de musulmans, parce qu'on leur donne beaucoup de facilité, on leur donne beaucoup d'aide, sur le plan économique, sur le plan de l'aisance, de la vie facile, des choses de ce genre, ils ne veulent pas rester. Ils ne veulent pas quitter. Hein, ils ne veulent pas quitter, ils préfèrent rester. Mais ce qu'ils perdent en échange, c'est qu'est-ce qui est le plus important, c'est leur religion. Donc, il y a un frère dernièrement, justement, il y a le frère, un frère qui est en Angleterre, qui faisait la da'wa, et qui s'appelle Abu Talha Daoud Burbank. C'est un frère salafi de l'Angleterre, de Birmingham. Ça fait des années, même plus que 20 ans qu'il était converti à l'islam. C'est un frère qui a étudié à l'université islamique de Médine à l'époque et qui faisait beaucoup de da'wah en Angleterre. Il traduisait beaucoup des livres, des ulama. Et il était très actif pour appeler les gens à la sunna et au Coran et combattre la bid'a et les gens de bid'a et clarifier la vérité pour les musulmans. Et il est resté pendant des années comme ça, ferme sur la vérité. Et là, cette année maintenant, il était allé pour le Hajj, il est arrivé à la Mecque, il est arrivé à Jeddah, à l'aéroport de Jeddah, il a mis son ihram, il était en route pour aller vers la Mecque. Dans l'autobus voyageur, il y a eu une explosion, il y a eu un feu. Et lui et son épouse, ils sont décédés dans l'autobus. Ça fait quelques jours, peut-être deux jours ou trois jours seulement. Donc imaginez, subhanallah, il voulait pas mourir dans les pays kuffar. Donc imaginez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une belle fin. Il est mort en état d'ihram. Hein? En plus, il était en direction vers une des meilleures adorations, le Hajj. Hein? En plus, on l'a enterré à la Mecque. En plus, il y a au moins 2 millions de musulmans qui ont fait la salat janaza sur lui. Hein? Donc, imaginez toutes ces choses-là, comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le tawfiq à ce frère. Hein? Et probablement que c'est à cause de, on espère que c'est à cause justement de sa sincérité dans son travail, dans sa da'wah pour l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce tawfiq, hein, et ce succès. Et ça fait réfléchir en même temps sur nous, où est-ce qu'on veut mourir? Parce qu'on a vu beaucoup de gens ici, par exemple, ou même en Europe, ils vivent en Europe. Puis quand ils meurent, les gens se rassemblent entre eux pour ramasser de l'argent, pour pouvoir payer, pour faire transporter le corps dans le pays d'origine de la personne. Parce qu'il ne veut pas se faire enterrer dans les pays non musulmans. Et en Europe, en France, c'est pire parce que tu ne peux pas te faire enterrer dans un cimetière musulman là-bas. Il n'y a pas de cimetière musulman. Ici, il y a un cimetière musulman, mais là-bas, il n'y a pas de cimetière musulman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux te faire enterrer, tu te fais enterrer dans un cimetière public. Puis il y a un petit carré pour les musulmans à l'intérieur de ce cimetière-là. Mais tu es enterré parmi les koufars, les mouchriquins, les chrétiens, les juifs. Alors, ça c'est une difficulté pour les musulmans. Même les juifs, je pense, peut-être qu'il y a certains cimetières pour les juifs, mais sinon c'est des cimetières soi-disant laïcs. Et en plus, on nous force de contredire la sunna dans ces cimetières parce qu'on est obligé de mettre le corps dans un cercueil. Alors que dans la charia de l'islam, on enveloppe le corps dans un linceul et puis on le met directement dans la terre. On n'a pas le droit de le mettre dans une boîte ou dans un cercueil. Ici, on n'a pas le choix parce que c'est une loi. Tu vois, si tu fais pas ça, il y aura des pénalités, il y aura des problèmes. Donc, ils ont trouvé, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent. Mais c'est pour dire que ça, tout ça, c'est des choses qui sont des contraintes du fait que tu vis dans un pays qui n'est pas musulman. Tu ne peux pas appliquer ta religion, appliquer ta sunna. Eh bien, ça, c'est des exemples. Eh bien, le frère, lui, là-bas, il est mort, enterré dans la terre de l'islam, Mecca. Hein? Il n'y a pas de frais. Ici, il faut que tu payes pour te faire enterrer. Là-bas, c'est gratuit. Personne ne va payer pour se faire enterrer. Hein? Et on te lave et on prie sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, si quelqu'un, il meurt et que 40 musulmans ont prié sur lui, il y a une intercession pour lui ou quelque chose de ce genre. Imaginez, lui, il a eu 2 millions de personnes qui ont prié pour, dans sa janaza. Toi, si tu meurs demain, ou moi, si je meurs demain ici au Canada, on ne sait pas, peut-être. Ici, les janazas, tu vois, là, parce que ICQ, quand il y a des janazas, des fois il y a du monde, des fois il n'y en a pas. Hein? Il y en a très peu, d'habitude. Donc, c'est pour dire, tu vois. Tout ça, c'est des choses, on ne pense pas à ça. Mais tu dis, mais comment ça se fait? Tu ne veux pas mourir dans un pays, mais tu veux vivre dedans. C'est pas normal. Hein? Tu veux pas mourir dans un pays, tu veux te faire enterrer dans ton pays d'origine, dans un pays musulman. Mais tu veux pas vivre dans un pays musulman, tu veux vivre dans le pays des koufars et des mouchriquins. Comment ça se fait? C'est une contradiction, ça. Et en plus, tu te fais dépenser l'argent des musulmans pour ça. $6,000 ça coûte à partir d'ici pour envoyer un corps dans un pays musulman. Plus que $6,000. Donc, est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un meurt, on ramasse $6,000 à chaque fois? Des fois, si ça arrive une fois par 6 mois, il y a un mort, ça va. Peut-être, des fois, ils arrivent à ramasser l'argent. Mais une fois, je me rappelle, il y a un qui est mort. Un mois après, il y a un autre qui est mort. Une semaine après, il y a un autre qui est mort. Les gens commencent à être fatigués maintenant de sortir l'argent. Parce que là, ça commence à être lourd. Donc ça veut dire, il faut réfléchir avant. Tu veux pas mourir quelque part, reste pas dans cet endroit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné ça, il nous a dit, il faut prendre les causes. Il a dit, celui qui est capable de mourir à Médine, qu'il meure à Médine. Parce qu'il y a une intercession pour ces gens-là qui meurent à Médine, dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si tu veux mourir à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَلَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتٍ. Aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle va mourir. Donc tu ne sais pas dans quelle terre tu vas mourir, mais si tu veux mourir quelque part, tu essaies de faire des causes pour essayer d'éviter de mourir ailleurs. Hein? Donc ça, c'est pour te dire, ça c'est le tawfiq d'un frère. Comment il est mort, et où est-ce qu'il est mort, et dans quelle occasion? Lui et sa femme dans l'autobus. Il y avait 29 personnes dans l'autobus. C'est lui seulement et sa femme qui sont morts. Tous les autres ne sont pas morts. Subhanallah. Donc, ça c'est pour notre frère Abu Talha Daoud Burbank. Hein? Rahimahullah. Un frère d'anglais d'origine. D'Angleterre d'origine. Qui était de... Wa alaykum salam wa rahmatullah. La première fois que je l'ai rencontré, c'était aux États-Unis en 93. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, c'était, je pense, peut-être en 2007, à Birmingham, ou peut-être même en 2009, je ne me rappelle plus exactement, à Birmingham, que j'étais là-bas dans la mosquée des frères Salafi, et il y avait le Cheikh Falah Ismail Mundakar qui était là, et il y avait des conférences qui se donnaient par téléphone avec le Cheikh Abdullah Al-Rudayyan. Et c'était lui, le frère Daoud Burbank, qui traduisait pour le Cheikh Abdullah Al-Rudayyan. Il traduisait une conférence qui était donnée sur le fiqh. Et c'était lui le traducteur. Et c'était un traducteur vraiment très fort. Hein? Il était vraiment professionnel dans ce domaine-là. Comment il traduisait bien. Donc imaginez, il était connu des ulama et des shuyukh. Donc ça c'est juste un point en passant que je te raconte pour... En même temps, ça nous donne une leçon pour nous aussi, tu vois. L'importance de savoir l'importance de choisir là où on veut vivre. Hein? Savoir là où on veut vivre. Et de choisir le meilleur endroit possible. Ensuite, ensuite le cheikh il dit « وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ » Donc la terre elle est vaste, il faut choisir la bonne terre. Il y a un frère qui m'a dit l'autre jour, il a parlé avec un musulman, ce musulman lui a dit « Ah mais mon risque il est ici ». Vous demandez mon risque c'est quoi le risque? C'est la subsistance, ton argent, ta nourriture, qu'est-ce que Allah te donne comme subsistance ou comme argent ou comme travail. Ça c'est risque, on appelle ça en arabe risque. Et Allah c'est Ar-Razzaq, c'est lui qui donne le risque à ses serviteurs. Hein? Tu dis, ça c'est mon risque, subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne le risque. Mais en même temps, toi tu dois chercher les causes du risque qui sont halal et qui sont bonnes. Hein? Il y en a qui cherchent leur risque dans le haram. Il y en a qui volent. Il y en a qui mentent. Il y en a qui trouvent toutes sortes de moyens pour trouver leur risque. Hein? Il y en a qui vont trouver leur risque dans les terres de l'islam, dans les pays de l'islam. Et toi tu dis, je vais chercher mon risque chez les koufars et les mouchriquins, tu restes dans leur pays et tu dis que ça c'est un prétexte. Non. Si tu penses que ton risque il est ici, Allah subhanahu wa ta'ala te donne ton risque là où tu es. Mais sois là où tu sais que c'est quelque part de bien. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ismaïl, ça va, akhi? Alhamdulillah, barakallahu fik. Donc, le cheikh dit: Wad-dalilu ala al-hijra min as-sunnah, qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la preuve de la hijra dans la sunna, il a dit que la hijra, elle va continuer à être obligatoire jusqu'à ce qu'on pourra se repentir, tant qu'on peut se repentir. Et la repentance ne va pas cesser jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Parce que lorsque le soleil se lève à l'ouest, c'est fini. Personne ne peut se repentir. C'est le dernier des signes. Parmi les signes de la fin du monde. Le soleil, quand il se lève à l'ouest, c'est-à-dire là où il se couche, il se lève par là. Ce jour-là, c'est fini, il n'y a plus de repentance. Personne ne peut dire, à ce moment-là, personne ne pourra dire, ah, ça y est, maintenant je crois en Dieu. Trop tard. Personne ne pourra dire, ça y est, je deviens musulman, j'accepte le tawhid, j'accepte l'islam, j'arrête de faire le shirk. C'est fini, trop tard. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des choses qui se passent dans la vie. C'est vrai que là, chaque matin, le soleil se lève à l'est. Tout le monde prend ça pour acquis. Et c'est devenu quelque chose de normal, on n'y pense même plus. Le jour qu'il ne va pas se lever à l'est, ça va être tellement un événement étonnant, les gens ne pourront même pas croire. Les gens ne pourront même pas imaginer ça. Donc, personne ne pourra manquer cet événement-là. C'est-à-dire, ça pourra pas, c'est pas quelque chose que tu vas dire, ça ne passera pas inaperçu. Imagine quand il y a une éclipse de soleil ou de lune, ou quand il y a quelque chose d'exceptionnel comme ça qui se passe, tout le monde sont comme si étonnés puis surpris. Alors imagine un événement comme celui-là, hein? Ça peut pas passer inaperçu, ça. Donc ça c'est parmi les signes. Et ça prouve que la hijra elle va rester obligatoire jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un moment pour dire, bon, comme il y en a qui pensent peut-être, ils disent, oh non, mais ça y est, maintenant, on est à l'époque moderne, les pays sont ouverts, le Canada, les États-Unis, l'Europe, ils ont ouvert les portes de l'immigration, hein, les chrétiens, les juifs, maintenant, c'est fini, il n'y a plus des différences comme ça. Le monde, il n'est plus séparé en croyants, non-croyants, mouchriks, kafirs, chrétiens, juifs, musulmans. Non, c'est pas comme ça maintenant. Maintenant, c'est citoyens, maintenant, c'est canadiens, américains. Carte verte, hein, citoyenneté, et ainsi de suite. Pourtant, dans le Coran, c'est pas écrit américain, canadien. C'est pas écrit ça. Dans le Coran, c'est écrit mu'min, kafir, mushrik, hein, muwahhid, hein, tawhid, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ainsi de suite. munafiq, fasiq. Ça c'est les distinctions, comment Allah il a séparé les hommes dans le Coran. Pas selon leur origine, pas selon leur couleur, pas selon leur langue, pas selon leur race, pas selon leur tribu, pas selon leur... Hein? Non, selon leur foi, selon leur aqida, selon leur croyance. C'est ça qui fait la différence. Hein? Donc, nous, c'est ça. Il y en a qui disent parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme le cheikh dit, « Amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam la hijrata ba'da al-fath, zahiru hada al-hadith anna al-hijra intahat ba'da fath Makkah. وظن بعض الناس التعارض بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ولكن أهل العلم أجابوا عن هذا الحديث أن المراد لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت بعد الفتح أو صارت بالفتح دار إسلام يظنون أن الهجرة باقية من مكة بعد الفتح فيريدون تحصيل ثواب الهجرة أما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى أن تقوم الساعة والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق وهذا هو الجواب على هذا الإشكال. Donc le cheikh dit que certaines personnes, ils ont ramené le hadith qui est authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas et selon Aïcha radiallahu anha aussi, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a plus de hijra après la conquête. Il n'y a plus de hijra après la conquête, c'est-à-dire la conquête de la Mecque. Une fois que la Mecque a été conquise, il n'y a plus de hijra. Donc, il y a des gens qui pensent qu'il y a une contradiction entre les deux hadiths. Parce qu'il y a un hadith qui dit jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, et un autre hadith qui dit il n'y a plus de hijra après la conquête. Le cheikh il a expliqué qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths parce que les ulama ont mentionné que la hijra, quand on dit la hijra ba'd al-fath, c'est-à-dire quand il n'y a plus de hijra après la conquête, ça c'est de la Mecque à Médine. Avant la conquête, c'était obligatoire pour les musulmans qui vivent à Médine ou dans les aux alentours de quitter l'endroit où ils étaient pour aller à la Mecque. Et c'était pour aller à Médine. C'était obligatoire pour les gens qui habitaient aux alentours de Médine, à la Mecque ou ailleurs, de faire la hijra vers Médine. Mais après la conquête de la Mecque, c'est plus obligatoire de quitter la Mecque pour aller à Médine. Maintenant la Mecque est devenue une terre islamique. Maintenant, c'est les musulmans qui gèrent et qui dirigent la Mecque et on a détruit les idoles. Et c'est les musulmans qui contrôlent. Alors on n'a plus besoin de quitter la Mecque pour aller à Médine maintenant. Il n'y a plus de hijra de la Mecque à Médine. Mais la hijra continue à être obligatoire de tous les pays de Kufr vers le pays de l'islam. C'est pour ça qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. Donc ça c'est à ce sujet. Maintenant, le cheikh il explique ensuite. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il explique ensuite d'autres points à ce sujet-là. Il dit al-istiqrar fi al-Madina wa nuzul baqi al-shara'i' wa ikmal al-din. Donc le point suivant c'est le fait que les musulmans par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine et c'est à ce moment que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre et a révélé les autres règles de l'islam et qu'il a complété la religion. Donc le cheikh il dit فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مِثْلَ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْأَذَانِ وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ أَخَذَ عَلَى هَذَا 10 سِنِينَ وَبَعْدَهَا تُوفِيَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَدِينُهُ بَاقٍ وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه بعثه الله إلى الناس كافة وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Donc, le cheikh, il explique que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est établi par la suite et resté à Médine, il a été ordonné les autres principes et les autres piliers de l'islam, hein, les autres règles de l'islam, comme la zakat, comme le jeûne, le hajj, comme le djihad. Avant, il n'y avait pas de djihad à la Mecque. Il n'y avait pas de djihad. Mais après, quand il a fait la hijra, là, Allah il a ordonné de faire le djihad. Et le adhan, et les autres règles de l'islam, comme le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et ainsi de suite. Et le reste des piliers de l'islam, et les règles de l'islam, il est resté 10 ans comme ça à Médine. 10 ans. Donc il est resté 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. En tout, ça fait 23 ans. C'est le total de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, donc à ce moment-là, après que ces 10 années-là sont passées et que les règles de l'islam ont été révélées, c'est là que Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa religion, par contre, elle est restée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais sa religion, elle est restée. Et il n'y a pas de bien, excepté qu'il a indiqué à la Ummah ce bien. Et il n'y a pas de mal, excepté qu'il a averti sa Ummah contre ce mal. Et il dit que le bien qu'il a ordonné aux gens, le bien qu'il a ordonné aux gens, c'est quoi? Et qu'il a indiqué aux gens, c'est quoi? Premièrement, c'est le tawhid. Parce que le tawhid, l'unicité d'Allah, c'est le plus grand de tous les biens. Il n'y a pas de bien s'il n'y a pas le tawhid. Et tout ce que Allah aime par la suite. Puis, le plus grand mal qu'il nous a averti de ne pas faire, eh bien, c'est le plus grand mal, c'est le shirk. Après, le shirk, il n'y a plus de bien. Il n'y a pas un mal plus grand que le shirk. D'accord? C'est pour ça que les ulama, souvent, ils disent la zamba ba'd al-kufr. La zamba ba'd al-shirk. Après le shirk, il n'y a plus de péché. Après le kufr, il n'y a plus de péché. Une fois que tu as fait le kufr, tu as fait le pire de tous les péchés. Donc, il n'y a plus de péché par la suite. Hein? C'est comme si tu vois, par exemple, un mouchrik. Quelqu'un qui adore les idoles, qui adore Jésus, qui adore Marie, qui adore des étoiles, qui adore des saints. Hein? Puis tu le vois boire de l'alcool. Tu dis, ah, regarde-lui, il boit de l'alcool. Boire de l'alcool, c'est rien à côté du shirk. Donc, c'est pas ça que tu dois remarquer en premier, qu'il boit de l'alcool. Si tu dois l'appeler, tu dois pas l'appeler en premier à dire, arrête de boire de l'alcool. Non. Première chose que tu dois lui faire arrêter, c'est le shirk. Parce que s'il meurt sur l'islam, le tawhid, et qu'il boit de l'alcool, Allah peut-être peut lui faire miséricorde et le faire rentrer dans son paradis. Ou bien il peut le punir un certain temps, puis après le faire rentrer au paradis, le mettre en enfer un certain temps, après le mettre au paradis. Sauf que celui qui meurt sur le shirk, qui n'a pas du tout de tawhid, qui meurt en faisant le shirk, lui, même si il ne buvait pas d'alcool, jamais, il ne rentrera jamais au paradis. Parce que le péché qu'il fait, c'est le plus grave de tous les péchés. Il n'y a pas de plus grave que celui-là. Et c'est le seul que Allah ne va pas pardonner. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre à qui il veut. D'accord? Donc ça c'est pour ça que le cheikh il dit ici, et le plus grand mal, c'est le shirk et tout ce que Allah déteste par la suite. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à tous les hommes, sans exception. Les hommes de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les classes, tous les niveaux, les statuts, peu importe. Tout le monde a été appelé. Et il leur a ordonné à tous, les hommes et les djinns, d'obéir, hein, à son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à tous les hommes et aux djinns aussi, pas seulement aux êtres humains, mais même aux djinns, hein, d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de ça, c'est dans le verset 67 le verset 158. Le verset 158 de Surat Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Ça veut dire pour tous les hommes, sans exception. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça maintenant. Il dit, وَهَذَا كَمَا سَبَقْ بَيَانُهُ أَنَّ الشَّرِيعَ نَزَلَتْ بِالتَّدْرِيجِ حَتَّى تَكَامَلَتْ والله ولله الحمد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وبعد نزول هذه الآية بمدة يسيرة توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودينه باق إلى أن تقوم الساعة donc le cheikh il a dit donc de la, comme on l'a expliqué déjà cette sharia elle est descendue de façon graduelle, jusqu'à ce qu'elle soit complète. C'est-à-dire que l'islam n'est pas descendu dans un seul bloc, d'un seul coup. Et le Coran aussi, la même chose. Le Coran n'est pas révélé d'un seul coup. Il est descendu graduellement. Hein? Et les révélations et les règles sont descendues graduellement, jusqu'à ce que ça se complète, par la grâce d'Allah. Et elle a été complétée, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, elle a été complétée avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à ce moment-là le verset dans lequel il dit « Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion et j'ai agréé sur vous, j'ai parachevé pour vous mon bienfait et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. » Donc, la religion, elle a été complète. Elle a été parachevée. Elle est finie, terminée, complète. Et ça, c'est un verset qui a été révélé quelque temps avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça, c'est un des derniers versets qui a été révélé dans la religion de l'islam. C'est dans Surat Al-Ma'ida. Dans Surat Al-Ma'ida, le verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 3. Et donc, Suratul Ma'ida, c'est une des dernières sourates dans le Coran, avec Suratul Tawba. Ça fait partie des versets qui ont été révélés en dernier dans le Coran. D'accord? Et donc, le Cheikh, il dit ensuite, Wa akmala Allahu bihi ad-din. Wa ad-dalilu qawluhu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a complété par le prophète sallallahu alayhi wa sallam cette religion là et il a mentionné dans ce verset 3 dans sourate Al-Ma'idah que il a complété sa religion comme on l'a dit. فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وأنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة وعاش بعدها صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة وانتقل إلى الرفيق الأعلى وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est mort, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a complété la religion par celui-ci, c'est-à-dire il n'est pas mort avant que Allah ait complété par lui sa religion et qu'il ait parachevé sa grâce sur les hommes par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a fait descendre donc le verset 3 dans Surat Al-Ma'idah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionne que la religion est complétée et qu'il a agréé l'islam comme religion pour nous sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'était révélé au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait debout à Arafah. Et aujourd'hui c'est Arafah. Hein? Donc ce verset il est révélé le jour de Arafah dans Hajjat al-Wada', le dernier Hajj, hein, le Hajj d'adieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et c'était un jour de vendredi. C'était un jour de vendredi que ce verset-là était révélé, et aujourd'hui, nous sommes à Arafat. C'est le jour d'Arafat aujourd'hui. Donc ça tombe bien, hein, comme on dit. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu que quelques temps. Puis il est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala et il a laissé sa umma sur une voie qui est éclatante et brillante. Et il a dit que c'est une voie qui est éclatante et qui est brillante et qui est comme le jour, la nuit elle est comme le jour. La nuit elle est comme le jour sur cette voie. C'est-à-dire qu'elle est claire. Que ce soit le jour ou la nuit, tu la vois clairement. Ce chemin, il est éclatant, il est brillant. Tu ne peux pas t'en égarer, excepté si tu veux périr. Tu veux périr, écarte-toi de ce chemin-là. Tu ne veux pas périr, tu veux être tu veux être sauvé, reste sur cette voie. Il dit ensuite, وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ شَهَدَةٌ مِّنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى كَمَالِ هَذَا الدِّينِ وَشُمُولِهِ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وحل قضاياهم ومشاكلهم إلى أن تقوم الساعة وهو صالح لكل زمان ومكان لا يحتاجون بعده إلى شريعة أخرى أو إلى كتاب ينزل أو إلى رسول يبعث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فما من قضية تجد وما نازلة تنزل إلى يوم القيامة إلا وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حلها والحكم فيها ولكن الشأن في من يحسن الاستنباط والاستدلال في الأحكام والقضايا فإذا توفر أهل العلم وأهل الاجتهاد الذين تتوفر فيهم شروط الاجتهاد فإن هذه الشريعة كاملة وفيها حل المشاكل كلها وإنما يحصل النقص من ناحيتنا نحن ومن ناحية قصور العلم وعدم إدراك ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو من ناحية الهوى بأن يكون هنا هوى يصرف عن الحق وإلا فهذا الدين صالح وشامل وكامل وقد أغنى الله به الأمة الإسلامية إلى أن تقوم الساعة فإذا عملت به حق العمل ورجعت إليه في أمورها. Donc le cheikh il dit que dans ce verset là, aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion, il y a un témoignage de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala du fait que cette religion là elle est parfaite et elle est complète et elle convient à tous les intérêts des hommes et à leurs biens. Elle est complète et parfaite et elle peut régler tous les problèmes et toutes les questions jusqu'à l'heure du jugement dernier. Elle répond à toutes les questions à toute époque et dans tous les endroits sans qu'on ait besoin d'une autre règle, sans qu'on ait besoin d'une autre loi, sans qu'on ait besoin d'un autre livre ou sans qu'on ait besoin de nouveaux messagers qui nous viennent à la fin des temps. Donc ça vient répondre à ceux qui prétendent aujourd'hui, par exemple, qui disent « Ah, mais là, on est à l'époque moderne maintenant, on a besoin de réformer l'islam, il faut changer la religion, il faut interpréter les textes maintenant d'une autre façon, parce que on est à une nouvelle époque, hein, donc il faut relire les textes, réinterpréter, changer l'islam, pour que ce soit en accord avec notre époque. » Ils disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vivait à une époque où il y avait les chameaux, et les ânes, et les mules, et nous maintenant, on ne vit pas dans le désert, on est à l'époque moderne, il faut réinterpréter l'islam, il faut changer l'islam. Non, l'islam, elle était parfaite, elle est complète. Et ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a écrit le Coran. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé d'au-delà des sept cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim al-hakim. Il est l'omniscient et le sage. Il sait tout. Il sait tout. Et sa science, elle est parfaite et complète. Donc il sait, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que les hommes ont besoin. Et il sait qu'est-ce que les gens ont besoin 2000 ans après. Et il sait qu'est-ce que les gens ont besoin jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'il a fait descendre ses règles et ses lois pour clarifier et expliquer aux hommes, à toutes les époques, comment ils doivent répondre et régler et gérer les problèmes qu'ils ont. Et ça, comme le cheikh il le dit, c'est pour les personnes qui ont su comme il faut comment extraire les règles et les lois qui sont dans les versets du Coran et dans les hadiths, et qui savent comment utiliser les preuves pour amener ces preuves-là dans les différentes situations selon les règles et les questions et les jugements. Et ça, bien entendu, ce sont les hommes de science qui sont capables de faire ça. Ce sont les gens qui font l'ijtihad parmi les ulama qui sont capables de faire ça lorsqu'ils ont rempli les conditions nécessaires pour être capables de faire l'ijtihad. L'ijtihad, c'est-à-dire d'avoir un niveau de science et de connaître les différentes sciences islamiques qui sont nécessaires pour être capable, en lisant le Coran et la Sunna, d'extraire des verdicts de ces textes-là. Et ça, pour faire ça, ça prend un niveau très élevé de science. Sinon, la charia en elle-même, elle est parfaite. Hein? Elle est complète. Mais le problème, ou la déficience, ou le manque, c'est en nous qu'il est. C'est pas en la charia. Des fois, par exemple, des gens vont dire, ah, mais à notre époque, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Comment on va faire pour appliquer le Coran et la Sunna dans ces nouvelles situations-là? Le problème, il n'est pas en la charia. La charia a déjà traité de ce problème, même avant qu'il existe. Le problème, c'est que si les gens ne sont pas calés dans la charia et qu'ils n'ont pas les sciences suffisantes pour être capables de comprendre ces questions-là et d'extraire les verdicts qui se rapportent à ce sujet-là, eh bien, c'est de leur faute à eux. Parce que sinon, la règle et la réponse, elle est dans le Coran. La solution à ce problème, elle est dans le Coran, elle est dans la Sunna. Mais des fois, le manque de science, le manque de compréhension peut faire en sorte que la personne ne soit pas capable de savoir comment extraire cette règle ou cette solution des textes du Coran et de la Sunna. Et puis, il y a des gens aussi, parfois, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, mais à chaque époque et à chaque endroit, il y a la fatwa, elle change. Comme si, à un endroit, une chose est, par exemple, tel verdict, et à une autre époque, c'est pas le même verdict. Et à une époque, ou à un endroit, c'est tel verdict, et à un autre endroit, c'est un autre verdict. Et dans la réalité, c'est vrai. Mais, c'est pas la religion qui change dans ce cas-là. C'est les facteurs qui changent. C'est-à-dire les facteurs qui ont amené les ulama à établir qu'à tel endroit et à telle époque, c'est tel verdict. Ces facteurs qui ont influencé cette fatwa ou ce verdict changent, eh bien la fatwa va changer à cause des facteurs de cette fatwa qui ont changé. Et c'est pour ça qu'ils vont donner un autre hukm ou un autre fatwa. Mais la religion en elle-même, elle ne change pas. Et les principes de la charia, ils ne changent pas. Qu'est-ce qui change? C'est pas les principes. C'est pas la religion qui change. C'est les facteurs qui entourent, dans la vie, ou dans la société, ou dans l'époque, qui changent, qui font que, à cause de ça, on est obligé de changer le verdict en lui-même. D'accord? Mais il y en a qui jouent avec ça. Ou bien des fois aussi, une des raisons pourquoi, c'est à cause de la passion. Les gens suivent leur passion. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. Donc, comme je disais aussi, comme le cheikh il a dit ici, des fois c'est le manque de science, des fois c'est la passion qui fait que les gens se détournent de la vérité. Alors ils peuvent pas la trouver. Mais la religion, elle est parfaite, elle est complète, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à cette umma ce qui lui suffit jusqu'au jour de la résurrection, si elle l'applique et qu'elle agit correctement. Et qu'elle revient à cette charia dans toutes ses affaires. D'accord? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et on continuera la semaine prochaine parce que demain c'est l'Aïd. Demain il n'y aura pas de dars. Demain il n'y a pas de cours parce que c'est la fête. Ok? Donc on va annuler le cours pour demain. Mais la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura le cours. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah.